Le commencement de la marche des jeunes et enfants de tout le pays à la maison natale à l'ancien consacré du Mont Pektu du général Kim Jong-il à l'occasion du 75e anniversaire de sa naissance a eu lieu le 1er février à la cour d'honneur devant les statues du président et du général érigées à la ville de Haesan. Y ont pris part les officiels intéressés et les permanents de l'Union de la jeunesse. Les participants ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues des grands leaders et formulé leur hommage. Au terme du meeting à la suite du rapport et des interventions, les pèlerins ont commencé la marche vers Potsonbon, salués par les travailleurs, jeunes et enfants de tous les paliers de Haesan.